Donc, Guillaume Wagner, ce grand donneur de leçons, on va faire jouer le bout de Tout le monde en parle, mais c'est surtout un autre extrait, moi, qui m'a fait sursauter et qui vous démontre à quel point, quand vous êtes dans la clique, vous avez comme un petit permis qui vous permet de dire à peu près n'importe quelle connerie, le genre de connerie qui peut faire perdre une licence ou un poste de radio, le genre de connerie que je dirais pas, le genre de connerie qu'on n'entend pas à Radio X. Mais le genre de connerie qu'on peut dire, c'est un stage. Et que ça passe. Mais le genre de connerie qu'on dit à la radio, on perd notre licence. Et non seulement le genre de connerie qui passe sur un stage, mais qui provoque des applaudissements, même lorsque diffusé en reprise. On va y aller par étapes. Ouais. Qu'est-ce qu'il a dit sur Radio X, à tout le monde en parle? Ben, hier... J'ai fait de l'erreur. Donc, dimanche... on avait comme invité Guillaume Wagner, qui est un humoriste, faut le dire, faut lui donner de la relève. T'sais, c'est un humoriste qui fait jaser de plus en plus, mettons, et qui est aussi le copain, le chum officiel de Kim Lizotte. Kim Lizotte. Qui était celle qui est venue critiquer Radio X la semaine dernière au Franc-Tireur, en traitant, entre autres, nos animatrices de gnougnouches de service. Exact. Hein, si on avait fait ça ici... En parlant des animatrices d'énergie à Montréal, ou de c'est quoi à Montréal, on se serait fait traiter de tout et non. Mais de l'autre bord, on peut faire ça. C'est-à-dire, on peut traiter les filles de Québec de cruches, de tarte, les employés de Radio X de grosses niaiseuses aux grosses boules. Ça, c'est pas pareil. Ils ont le droit, ça. C'est pas pareil parce que, premièrement, c'est sur les ondes de Télé-Québec. Donc, soudainement, t'as une carte de plus que tu peux utiliser. Je sais pas pourquoi. Ça doit être le miroir ou le réflecteur, je sais pas trop. La carte du réseau public. C'est ça. Et en plus, c'est que ça se fait entre intellectuels. T'sais. Donc, c'est pas pareil. Nous autres, on a réfléchi à ça. T'sais, on n'a pas lancé ça comme ça. On a jasé autour d'un café. Et on peut vous garrocher ça en pleine face parce que nous, on le dit bien, premièrement. On le prononce bien. On le prononce bien. On l'énonce bien. Et notre opinion... est d'autant plus élevé que celle de ces animateurs crasses de Radio X. C'est ça. On est sur le plateau, on est à Montréal, on a des bons amis, on porte des jeans à 225$, des souliers qui ont l'air de souliers à acheter au Village des Valeurs à 15$, mais qui, dans le fond, valent 95$. On a des bons amis à Radio-Canada, puis dans la clique, à ce moment-là, ça nous donne un passeport à vie. Radio-Canada et Télé-Québec qui, selon ce que j'ai compris, fusionnent souvent. Là, parce que un des animateurs qui était sur le plateau, on a sorti un autre extrait qui a aucun rapport, là, de Jean-Philippe Wautier. Qui était le pire des trois panélistes des Francs-Tireurs. Qui est ancien pornographe et qui maintenant a une nouvelle émission à Radio-Canada. Avec sa même gang. J'ai pas trop saisi. Bref, le show marchait pas, on a arrêté le show du pornographe. On les a juste transférés d'un autre studio. Vous allez continuer votre show ailleurs. Et ce même Jean-Philippe Wautier a aussi un show à Télé-Québec. Donc, j'imagine que c'est des échanges. Je sais pas, ils se font des trades d'animateurs qui sont pas engagés ailleurs. Bon, ceci étant dit, voici une... Parce que je sais pas si vous saviez, Guillaume Wagner vient de Québec. Ainsi que sa copine Kim Lizotte. C'est des gens de Québec. Donc, ça leur donne le droit de dire n'importe quoi. Mais qu'ils sont expatriés à Montréal. Non, ça leur donne le droit surtout de dire, moi, je connais ça, Québec. Ouais, c'est ça. Parce que moi, je ne suis pas quelqu'un de Montréal qui critique Québec puis qui peut dire, c'est comme ça, la radio de Québec. Moi, je l'ai vécu, la radio de Québec. Ça, j'ai écouté Jeff Fillion. Donc, voici, mon opinion. Je suis crédible. C'est complètement fou de dire ça. C'est comme de dire, moi, j'ai resté dans telle ville et à ce moment-là, ça me donne le droit de dire n'importe quoi. Mais c'est ce qu'il dit. On écoute. La chicane Montréal-Québec? Ben, écoute, venant de Québec et habitant maintenant à Montréal, je la trouve ridicule, mais je sais très bien qu'elle vient de Québec. Fait que c'est un peu un complexe d'infériorité. Ouh! Non, mais c'est vrai, écoute, je viens de Québec, je le sais, là. Et c'est ils ramènent systématiquement... Les gens qui sont pas bien là, dans leur peau là, à Québec, là, je te parle. Parce qu'il y en a plein qui le sont. Oui, tout plein. Là, c'est ça, on les oublie, eux autres. Puis eux autres, c'est pas facile pour eux. Il y a plein de gens positifs. Il y a des gens progressifs. Il y a toutes sortes de monde. C'est une des plus belles villes au monde. Une des plus belles villes au monde. Et les gens, frustrés, là... Radio X. Eux autres, ils aiment ça ramener systématiquement tout à opposer Montréal et Québec. Pour des fois, ça n'a aucun sens. On comprend même pas pourquoi. Ce gars-là, c'est... Mais premièrement, toute cette affirmation-là, c'est complètement débile. Ce gars-là, ça vient de où, cette analyse-là, de que la guerre Montréal-Québec vient de Québec? Ce sont des propos remplis d'idiotie. Du début à la fin. Je suis le premier à le dire que Québec-Montréal, personnellement, ça ne m'intéresse pas. C'est je le dis au franc tireur, je le dis ici, c'est la guerre Québec-Montréal, c'est une chicane pipi-caca, je pisse plus loin que toi, vas-y, sors ta graine, j'ai une graine plus grosse que la tienne, ça ne m'intéresse pas. Je viens pas de Québec, je viens de Shawinigan, mais je reste à Québec depuis une quinzaine d'années. Je suis un Québécois de Québec, maintenant, bien établi ici. Mes deux enfants sont nés ici. Je peux vous en parler, moi aussi, de Québec. Et les gens de Québec, le Québec-Montréal, on est rendu ailleurs. Mais dans sa tête à lui... Ah, puis probablement pas pour tout le monde. Moi, j'en ai rencontré encore dernièrement qui sont très anti-Montréal. Mais c'est juste, encore une fois, on fait exactement là ce qu'on dénonce on ici généralise. À grand cri. C'est la grosse généralisation. C'est la grosse généralisation. Moi, j'ai vécu presque 8 ans à Montréal. Je peux te dire que j'aime Montréal. J'ai vécu là, j'ai eu des amis, j'ai des amis encore à Montréal. J'aime ça aller à Montréal. J'aime Montréal. C'est une guéguerre de niaiseux. Une guéguerre. Mais de pointer. Ils participent à la guéguerre, là. En pointant les gens de Québec. C'est de votre faute. C'est vous autres qui partez tout le temps la guéguerre. C'est ça. En laissant sous-entendre que les animateurs de radio de Québec, moi, la guerre Québec-Montréal, ça ne m'intéresse pas. Première des choses. Deuxième des choses, je suis pas frustré. Loin de là, je suis peut-être gêné de voir que Montréal fait aussi pitié. La moitié du Québec dans une ville totalement désorganisée. Du début à la fin, là. Le nombre d'arrondissements, l'organisation politique de cette ville-là, un maire totalement incohérent et incompétent. Ouais, mais ça n'a rien à voir avec les citoyens de Montréal. Non, ça n'a rien à voir. C'est ça, l'affaire. C'est moi, ça qu'on... comme gars de Québec, je regarde Montréal, puis je trouve ça pathétique. J'ai-tu le droit de le dire? Ah oui, oui. Puis probablement que des gens de Montréal regardent notre maire et qu'ils le trouvent donc ben personnage. C'est triste pour le Québec de voir Montréal dans cette position-là. C'est triste. C'est de la perte de temps totale. Mais ça, en même temps, les petits gars de même, il y en existe partout, là, Doom. Là. C'était Plessis-Victo, c'est Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est, ben oui. C'est ben des petits gars Toronto. De niaiseux. C'est Ottawa-Toronto. Je vous en nomme. C'est l'Ouest canadien contre Toronto. C'est New York versus Albany. C'est New York versus Buffalo. Ouais, c'est ça. C'est juste normal. C'est Bordeaux versus Paris, en fait. Toutes les villes en France versus Paris. Mais c'est humain. Parce que là, Paris c'est ma gang est meilleure que la sienne. Des Français. Oui. Il y a les Parisiens, mais il y a les Français. Hein. Un Parisien, c'est pas un Français, puis un Français, c'est pas nécessairement un Parisien. Ils s'aiment pas nécessairement non plus. Exact. Bon, ça, on voit ça partout. Mais de laisser sous-entendre que les gens de Québec sont frustrés, c'est complètement débile. Mais en même temps, faut pas tomber dans le panneau nécessairement non plus. Ce gars-là est à une tribune d'1 million d'auditeurs, de téléspectateurs. Il est là pour se faire connaître, là. Il a là brossé de la merde un peu, faire jaser. Donc, faut juste en prendre et en laisser aussi, là. C'est pas un ethnologue, là. C'est pas un spécialiste des sociétés, là. Alors, c'est sûr. Mais, c'est quand même, il se pointe, là. Un ticaille, les cheveux rasés, qui fait des farces plates, là. Il faut juste se remettre ça en contexte aussi, là. J'ai un autre extrait, si tu veux. Ça, c'est tiré de quand, ça? La même émission, tout le monde en parle. Il y en avait gros sur le cœur. Il faut dire que je pense que l'épisode de sa blonde, l'a échaudé. Je pense que oui. Je pense qu'il a donné une petite swing supplémentaire pour défendre sa copine. On écoute. Si par hasard tu vas faire un show à Québec, est-ce qu'il y a quelqu'un qui essaie de te tétailler? Non, sont assez peureux là-dessus. Les libertés. Sont bons sur Twitter, par exemple. Ils sont très courageux sur Twitter. Comme les Coréens. En personne, non. Toi, t'es un gars de Québec. Je suis un gars de Québec, je connais très bien ça. Moi, j'ai grandi, j'ai vu Jeff Fillion de la première année jusqu'à la dernière, Radio X, je connais très bien ça. André Arthur, j'écoutais ça, je connais ça, la démagogie. Ça fait pitié, là. Ça fait pitié. Ils sont très peureux, les libertés. Premièrement, les libertés, ça, c'est nous autres, j'imagine. En tout cas. Mais comme chum, toi, t'as une blonde aussi. Mais être le chum d'une fille qui pogne pas, puis qui aimerait ça pogner, puis qui pogne pas, puis qui a jamais vendu un maudit ticket de sa vie, là, peut-être que moi aussi j'aurais le goût de la défendre. Ça vous coche, je le blâme pas, Wagner. Ah non, mais c'est très... De vouloir défendre... C'est humain de défendre sa blonde. Une fille qui a tenu des propos pathétiques, puis qui l'a pas, là. Qui l'a pas pantoute, mais... Je peux pas te blâmer ce gars-là de défendre sa blonde, là. C'est un gars qui est solidaire, pis c'est... À quelque part, c'est un réflexe normal pour un gars qui aime une femme de la défendre. Quand sa blonde est aussi triste à voir, c'est juste normal. Et là-dessus, je le comprends. Je comprends ce gars-là. Ce que je comprends pas, par exemple, c'est... Tout le monde en parle hier, qui aime beaucoup faire les gorges chaudes en crachant sur Radio X comme si c'était de la pure merde. Alors que moi, je parle pour mon show, mais je peux parler pour Radio X au complet, si vous voulez. Martin Coiteux, El Grabli, Martineau, Joanne Marcotte, Fred Têtu, Yann Sénéchal, des actuaires, des économistes, philosophes, chroniqueurs. C'est-tu des purs imbéciles, ces gens-là? Lorsqu'on parle de politique américaine, là, tantôt, on va parler à Martin Coiteux de Rio Tinto, du marché de l'aluminium. On a parlé d'Obama tantôt, on en a parlé la semaine passée. On va peut-être en reparler cette semaine. On parle d'économie, on parle de société, on remet en cause l'ordre établi. C'est tout ça de la merde? C'est tout ça? Une radio poubelle? C'est quoi une radio poubelle pour ces gens-là? C'est une radio qui remet en cause l'ordre établi. Ah, c'est ça. Des gens qui sont incapables de réfléchir et d'avoir un autre réflexe que celui de protéger l'ordre établi, de protéger les acquis. C'est ça? Oui. C'est ça qui leur fait peur. Surtout, ouais, en tout cas. Tout le monde en parle. Ils ont passé un sketch qui m'a renversé. Je savais pas que on pouvait dire ça sur un stage au Québec. Un stage filmé, là. C'est un stage filmé. Un festival juste pour rire, quand même. OK. Là, vous allez vous fermer les yeux. Ben, si vous conduisez, là, OK? Faites attention si vous conduisez. Soyez prudents. Et transposer ces propos-là à la radio de Montréal, Radio de Québec, Radio du Saguenay. Et posez-vous la question. Qu'est-ce qui arrive à l'animateur de radio qui dit ça? Il y a un animateur de radio qui s'est fait suspendre au Saguenay parce qu'il avait comparé une concurrente de Star Academy à la femme de Shrek, là. C'était pas brillant. Mais c'était dans une autre catégorie que le commentaire que vous allez entendre. Ça, c'est un extrait de spectacle qui a été diffusé, tout le monde en parle. Puis les gens applaudissent en plus. La petite gang de doigts en l'air dans la salle. Oh, c'est beau ça! Il aimerait ça voir Marie-Mé suicider en ondes. Non, oh, c'est trop drôle, ça! Et ta TVA, Marie-Mé, c'est une ancienne vedette de Star Academy, puis nous autres, on la trouve catane. Fait que c'est trop bien drôle, ça! Hey, c'est pathétique! Pathétique! En pleine télé publique! C'est triste et pathétique à mourir! Ça dure une quarantaine de secondes, on écoute. On va regarder un malaise que t'as déjà fait. Gag concernant Marie-Mé. Manon. Ah oui! Ça en est un bon. Tu sais, si elle veut se donner pour du bénévolat, qu'elle se donne pour une cause qui la touche elle. Tu sais, elle a fait de la musique, qu'elle se donne pour la cause de la musique de qualité. Moi, j'ai déjà la pub en tête, c'est écœurant. J'ai la pub en tête, elle est malade. Gros plan sur la face de Marie-Mé. Marie-Mé regarde la caméra. Bonjour, mon nom est Marie-Mé et j'ai décidé de me donner pour la musique de qualité. C'est pourquoi je décide de faire un geste maintenant pour nos enfants de demain. Meilleure pub ever. Tu verras jamais un message passer de même. Juste vous dire que dû laisser les applaudissements dans la salle, tout le monde en parle après. C'était fini. Parce que après ça, il recommençait à parler. Non, mais ça applaudit après. Tout le monde en parle, il est revenu, puis ça applaudit. Oui, mais c'est ça. Fini. Non, exactement. C'est parce que il y a une scission maintenant, je l'ai laissé. C'est que Mané, ça applaudit pas. Dans la salle, là, quand il a fait la joke. Puis la joke, je vous l'explique parce qu'elle est aussi visuelle. Oui, vas-y. Il se met les deux doigts dans la bouche en forme de fusil, puis il tire. C'était ça sa pub. Le punch, c'était je fais un geste pour la jeunesse, je me tire une balle dans la tête. Parlant de Marie-Mé. Dans la salle, il y a eu une semi-applaudie, semi-malaise. Mais quand on revient dans le studio, tout le monde en parle, c'est là où on entend les applaudissements augmenter. Là. Exact. Ça, ces applaudissements-là, est-ce que c'est tous les applaudissements de tout le monde en parle? C'est les deux. OK. Ce qu'on voit, c'est qu'au début, ça applaudit pas tant que ça. Ça, c'est les applaudissements originaux dans la salle. Maintenant, on entend une espèce d'upgrade là, de l'applaudissement. Ça, c'est les applaudissements de quand on revient en studio. Parce qu'en studio... Ah, c'est ça. Okay. Là, exact. Ça applaudit très fort. C'est ça, là. Exact. Très fort. Et as-tu la question après? Moi, je voulais que tu prennes le bout là quand Guilla parle à Wagner après, là. Non, ben non, on s'est mal compris. OK. Ce qui arrive pas souvent, là, pour être honnête, là, mais... Garde, je te remets la fin, si tu veux. Ouais, remets-moi la fin. Mais de toute façon, après ça, Guilla lui dit, ouais, il me semble que c'était un peu plus rock'n'roll. Et là, Wagner explique que... Ben oui, il s'explique. Effectivement, c'est vrai là que la famille à Marie-Mé, ils n'ont pas aimé ils ça. Ils n'ont pas trouvé ça drôle. Ils n'ont pas trouvé ça drôle. Fait que là, là... Je vous ai fait de la peine. Je voyais pas ça de même, c'est moi. C'est ça. Il dit, moi, je voyais pas ça de même, Marie-Mé, tu sais. Parce que c'était Marie-Mé, là, mais ça aurait pu être n'importe qui d'autre. C'est tout ça, l'humour au Québec? De... D'exprimer le souhait que Marie-Mé se suicide sur un stage. C'est tout ça, l'humour au Québec? Au festival, juste pour rire. Pas dans un bar dans le fin fond de la Beauce. Et ce sont ces gens-là qui nous donnent des leçons de bon goût. Ce sont ces gens-là qui incitent au suicide d'un artiste, d'une personnalité connue, le gun d'embauche, qui nous donne des leçons de poubelle, de radio. Ouais. Excusez-moi, là. Ça, c'est de l'humour poubelle, puis pas à peu près, là. Puis pas à peu près pour ça, là. Mike Ward, il a l'air d'un chaton. Eh! Pas à peu près, là. Fais-moi écouter le bout. On écoute la fin. Donc, vous voyez, quand ça se met à applaudir après sa joke, là, ouais. À un moment donné, il y a une intensification des applaudissements. Ça, c'est de retour à Tout le monde en parle. Et j'ai décidé de me donner pour la musique de qualité. C'est pourquoi je décide de faire un geste maintenant pour nos enfants de demain. Meilleur pub ever. Tu verras jamais un message passer de même. Là. C'était quasiment un standing ovation. Ah, c'est triste. Mais, tu sais, il y a l'histoire de Marie-Mé, puis il y a l'histoire du suicide. Tu sais, on le dit année après année, on ressort les statistiques du suicide. Je comprends que ça a baissé un peu. On en a parlé beaucoup ici à Radio X, mais évidemment, on était une radio poubelle, donc ça vaut pas de la merde. Mais on a dénoncé le suicide et on le fait depuis de nombreuses années. Il y a 3 suicides par jour au Québec, en moyenne. Et ça, c'est-tu banaliser le suicide? C'est-tu, parle-moi de... Ça, c'est drôle, c'est pas pareil, c'est de l'humour. Ça, c'est de l'humour. Et c'est pas fort. Là. Ces gens-là qui donnent des leçons, sérieusement. Là. C'est pas fort. Mais c'est désespéré. Hein. Tu sais, ces gens-là... Ils ont comme une fixation à propos de Radio X. Hein. Ils en font quasiment une maladie. Ah non, c'est ils jasent de ça entre eux autres. Ils jasent de ça entre eux autres. Ils réécoutent de vieux extraits de Dupont. Puis ils se crinquent, là, tu sais. Pis... De Jeff. Des extraits de 4, 5, 6, 7 ans. Ils se crinquent entre eux autres. Ça va peut-être être en 2012 aussi, les amis, là. On est en 2012, là. On est pas mal rendu là, là. Quelqu'un m'a envoyé la définition du mot démagogie. C'est très drôle. Le discours du démagogue, puis là, on pourrait dire, mettons, Guillaume Wagner, sort du champ du rationnel pour s'adresser aux pulsions, aux frustrations du peuple. Et là, il a juste vous rappeler qu'il dit ça sur le plateau de Tout le monde en parle, qui, à la base, déteste Radio X à s'en gratter au sein. Il recourt en outre à la satisfaction immédiate des souhaits ou des attentes du public ciblé sans recherche de l'intérêt général, mais dans le but de s'attirer la sympathie de Guilla et de la clique, et de gagner le soutien des autres. C'est exactement ce qu'a fait Guillaume Wagner sur le plateau de Tout le monde en parle, en nous disant, moi, la démagogie, je connais ça. Oui, Guillaume, tu connais ça, c'est exactement ce que tu fais. Merci à Michael pour la définition. C'est triste, c'est triste. Et Guilla Lepage, en tant qu'hypocrite en chef... tape sur Radio X, tout ça, en fait, avec son petit sourire, pose des questions. Mais Guilla Lepage, juste pour vous le rappeler, on l'a dans les extraits à quelque part dans les banques, avait déclaré ici, ah oui. Radio X, actuellement, il n'y en a pas de problème. Radio X, actuellement, peut être diffusé à Montréal, et il n'y en a pas de problème. Vous faites de la bonne radio. Et ça, on a l'extrait, ça a été enregistré à Québec, à l'émission 5 à 7. Diffusé à Radio X Québec, une émission animée par Danny Hull. Et voici ce que Guilla Lepage avait dit à ce moment-là. En fait, je pense qu'il y a le marché pour. Mais si tu me dis, est-ce que la radio, par exemple, qu'on fait là présentement, a sa niche à Montréal? Oui, oui, oui. Ça, c'était le petit montage que j'avais fait. Il y avait ça. Mais vous avez l'extrait, là. Puis nous, on a fait une image sonore, c'est-à-dire on avait pris des extraits d'entrevues, tout ça, parce que c'est du domaine public. Quand vous nous parlez à la radio, tout ça, c'est du domaine public. Bien ouais. entendu, c'est des ondes publiques. Ouais. Et on avait utilisé ça lors du lancement de Radio X, et savez-vous quoi? Son agent avait de la peine. Il voulait surtout pas que Guillaume Lepage a l'air d'un gars qui appuyait Radio X. Fait qu'il nous a demandé de retirer ça. Hein? C'est beau, hein? C'est beau, okay. La belle gang, hein? La okay, belle gang. Il faudrait pas que mes amis entendent ça quand ben même. Ben oui. Parce que là aussi, c'est pas... La belle gang. Je l'ai dit, mais c'est dans pas, le fond... C'est pas ce que je voulais dire. C'est pas ce que je voulais dire. C'est pas ce que je voulais dire. La belle gang. La belle gang. C'est pathétique.